les trottoirs y a des gens, sur les trottoirs y a des passants, qui prennent tous le même chemin, leur destination bien en main. Il y a aussi la marée chaussée qui fait la chasse aux mal chaussés. Le sifflet facile à la bouche, elle embarque tous ceux qui bougent. Sur les trottoirs il y a des cons, allez savoir où ils s'en vont. Sur les trottoirs il y a des cloches qui se promènent des trous dans les poches. Ils se soulagent au coin des rues, ça rend furax et bien vêtu. Sur les trottoirs, il y a des catins qui tentent de gagner leur pain, méprisés par les gens de bonne foi et insultés par les bourgeois. Sur les trottoirs, il y a des cons, allez savoir où ils s'en vont. Sur les trottoirs, la tolérance brille un peu trop par son absence. On voit encore contre les murs de sales photos et des injures. Sur les trottoirs, il n'y a plus de sourire que des gens qui trouvent à redire des coléreux qui pour une place se mettraient presque sur la face. Sur les trottoirs, il y a des cons, allez savoir où ils s'en vont. Sur les trottoirs, il y a des amants qui auront un jour des enfants, qui viendront ternir les trottoirs comme tous ces passants sans histoire. Sur les trottoirs, il y a des petits vieux qui ne demandent qu'à être heureux, des jeunes solides pour traverser et non pas pour les agresser. Sur les trottoirs, il y a des cons, allez savoir où ils s'en vont. Tous les gens passent et moi je les suis à la trace. Dit qu'il n'y a rien d'autre à foutre, alors je prends la même route. Sur les boulevards, il y a des gens bien qui suivent leur bonhomme de chemin, qui ne demandent rien à personne jusqu'au jour où la mort les sonne. Sur les boulevards, il y a des cons, de vrais chauffeurs.